J'ai dressé au fond de mes souvenirs, au fond du jardin de mes rêves, une volière où je vois revenir les passereaux de ma vie brève. Quelques cages sont en bois de santal, d'autres en fer inoxydable. J'y porte de l'eau, du pain monacal et mon amour inépuisable. J'avais déjà deux antilopes, une tigresse de Java, huit souris à l'air interlope, trois rossignols de la Scala. J'avais déjà une panthère, une hirondelle de faubourg, une curieuse serpentaire et deux épouses de vautour. Mais toi, mon joli bébé léopard, mon beau félin énigmatique, tu auras toujours une place à part dans mon jardin zoologique. J'avais déjà trois tourterelles, une vipère de trottoir, voire une poignée de sauterelles, quelques punaises de dortoir. J'avais déjà plusieurs perruches, une marmotte ensommeillée, une mignonne ours en peluche et de grenouilles de pénitier. Mais toi, mon joli bébé léopard, mon beau félin énigmatique, tu auras toujours une place à part dans mon jardin zoologique. J'avais déjà une sirène, une méduse à l'œil canin, trois têtes d'une hydre de l'Erne, une chevrette au pied des reins. J'avais déjà une cigale et deux fourmis à l'air pincé, un clan de louves du Bengale, une baleine sans corset. Mais toi, mon joli bébé léopard, mon beau félin énigmatique, tu auras toujours une place à part dans mon jardin zoologique. Et ouais!